Exercice 3, page 147. A. So, zo. B. Cède, z. C. Dessert, désert. D. Ils sont, ils ont. E. Tresse, treize. F. Assis, assise.